Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal du 25 avril 2017. Et en voici les grandes articulations. Deux ans, jour pour jour, le parti au pouvoir présentait Pierre Nkurunziza au présidentiel de 2015. Dans ce journal, Léon Sangenda-Koumana du parti Sawanya Frodebou fait savoir que les institutions républicaines aujourd'hui se font accepter de force. Et de l'autre côté, le parti au pouvoir voit tout en rose. Plus de 700 personnes ont été tuées lors des événements que le Burundi a traversé depuis avril 2015. C'est selon la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Vous entendrez dans ce journal Jean-Baptiste Baliwonekeza, président de cette commission. Le monde célèbre ce 25 avril la journée contre le paludisme. C'est au moment où le Burundi a récemment déclaré cette épidémie. Dans ce journal, nous irons en province Muyinga où il y a régression des cas de paludéens. Les étudiants de l'Université du Burundi qui n'ont pas encore regagné les auditoires devraient le faire dans un court délai. L'appel est des délégués généraux de l'Université du Burundi. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Kimana. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page éducation pour débuter ce journal. Et les étudiants de l'Université du Burundi qui n'ont pas encore regagné les auditoires devraient le faire dans un court délai. Cet appel est des délégués généraux de cette institution. Au sortir d'une réunion entre eux, ils indiquent que ce qu'ils avaient demandé, notamment l'arrêt de la loi régissant le prêt bourse, pourront trouver des réponses tout en étant dans les auditoires. Suivez un de ces délégués. C'était une réunion pour voir et évaluer la situation pour la revendication des étudiants. C'était une réunion qui a vu la participation des délégués des différentes classes de l'Université du Burundi. On a vu que c'est nécessaire d'inviter les étudiants à regagner les auditoires et surtout pour répondre à l'appel des différentes autorités de l'Université du Burundi où on nous a demandé de faire un pas en avant pour voir nos camarades libérés et surtout ceux qui sont détenus pour voir les la réintégration de ceux qui ont été exclus de l'Université du Burundi. Et les causes qui vous avaient poussé à faire la grève, est-ce que ces causes ont été résolues? Pas du tout, mais quand même, on nous a promis un processus de dialogue. C'est à travers ce processus de dialogue que nous espérons trouver l'issue favorable à l'étudiant, surtout à toutes ces questions. On invite tous les étudiants qui n'ont pas encore regagné les auditoires à continuer à venir et surtout répondre aux activités académiques tout en attendant ce processus de dialogue où nous allons agencer nos questions et nos doléances pour trouver l'issue favorable à toutes nos questions. Un des délégués des étudiants de l'Université du Burundi au micro de Alida Ndaikeza. Page santé de ce journal, ce 25 avril 2017, le monde célèbre la journée mondiale contre le paludisme. Une journée célébrée alors que le Burundi a récemment déclaré une épidémie de paludisme. En province à Muyinga, il y a régression de cas de cette maladie suite aux stratégies de riposte contre cette maladie. Le médecin directeur de ces provinces sanitaires annonce que la lutte continue contre cette épidémie qui fait au moins 15 000 cas de malades par semaine dans ces provinces. Une correspondance signée de Donné Nzeimana. 15 118 cas de paludisme ont été enregistrés dans la province entière de Muyinga au cours de la semaine dernière. Une nette régression des cas de paludisme d'après le docteur Eric Nzeimana, médecin directeur de la province entière de Muyinga. Il fait allusion au cas du début de cette année. Dans la seule première semaine de janvier, c'était plus de 26 500 cas, vers le double des cas traités donc actuellement. Pour le médecin provincial, des mesures de riposte ont été prises depuis la flambée des cas de paludisme et après la déclaration de l'épidémie de cette maladie. C'est entre autres le traitement avec des équipes mobiles, l'accroissement des stocks de médicaments, la sensibilisation par des cinémas mobiles, la clientélisation intra-domiciliaire. On note une régression des cas mais dans les structures de santé. Des patients viennent toujours en nombre élevé. Dans les décès de pédiatrie à l'hôpital de référence de Muyinga, au moins des enfants malades partagent la même lit. Le gros souffle du paludisme est grave. Le responsable de la province sanitaire de Muyinga indique que la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Des efforts supplémentaires sont conjugués. Il annonce une prochaine campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le 25 avril de chaque année, c'est la journée mondiale dédiée à la lutte contre le paludisme en province Muyinga. Les volontaires de la Croix-Rouge sillonnent les collines pour des travaux d'assainissement et lancent des messages axés sur le thème du jour, à savoir en finir de bon avec le paludisme. Je donne une imana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page droit de l'homme, c'est à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro. Je vous le disais en titre, plus de 700 personnes ont été tuées lors des événements que le Burundi a traversés depuis avril 2015. Tels sont les propos du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, qui affirme également que des cas de torture ont eu lieu. Jean-Baptiste Baribonekez appelle le gouvernement et l'opposition à mettre toujours en avant le dialogue. Je vous prie de le suivre. A priori, je dois dire qu'évidemment, on a répertorié un certain nombre de violations qui ont été mentionnées dans nos différents rapports en 2015 et en 2016. Nous avons par exemple compté à environ 720 personnes qui ont perdu leur vie dans le cadre des différents affrontements qu'on a vus, notamment entre les forces de l'ordre et certains groupes armés par exemple, ou dans d'autres circonstances qui n'ont pas été élucidées. On a répertorié un certain nombre de cas de torture, des cas d'arrestation arbitraire ou de détention prolongée. Il y a des Burundais qui ont fui leur pays, évidemment, sans oublier l'impact socio-économique de la crise sur le pays. Et par exemple, en termes d'organisations de la société civile qui ont été suspendues ou radiées, des médias qui ont été détruits, et, ou encore les conséquences sur le bien-être des populations en termes même d'accès à l'alimentation. Par exemple, tout le monde a suivi les problèmes, par exemple, dans la région de Kirundo ou encore ici tout près à Gihanga, où des individus ont été obligés de fuir et ou même certains ont perdu la vie à cause des problèmes de famine. Et donc, clairement, il y a des difficultés. Mais en même temps, il y a des progrès et entre autres, la diminution sensible du nombre de personnes, par exemple, qui perdent leur vie ou encore on voit de moins en moins, n'est-ce pas, des cas de personnes qui perdent leur vie, en fait dans des situations qu'on peut qualifier de violation du droit à la vie parce que c'est une violation très, très spécifique. Notre souhait, c'est que, par exemple, au niveau justement de la justice, les autorités fassent le nécessaire pour faire avancer les dossiers le plus rapidement possible. Et notre souhait aussi, c'est que le dialogue politique qui a été déjà commencé, puisse continuer de sorte à avoir, n'est-ce pas, le consensus sur les questions qui divisent la classe politique. Notre souhait, c'est de continuer à inculquer au sein des Burundais, surtout les politiciens, la culture de la paix et du dialogue. Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la CNIDH, dont les propos ont été recueillis par Alain Désiré et Bukeneza. Et justement, il s'exprimait ce mardi lors du lancement du plan d'action stratégique de cette commission. Et parmi les 5 axes de cette commission pour une période de 5 ans, la CNDH va assurer la protection des droits de l'homme au niveau de la chaîne pénale. Le président de la CNIDH précise également que ce plan s'inscrit dans le cadre d'affermir l'action de cette commission. Je vous prie de le suivre encore une fois. L'objectif de ce plan, évidemment, c'est de continuer à affermir l'action de la CNIDH dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Burundi. Le plan s'articule essentiellement autour de 5 axes. Le premier axe est un axe qui est dédié aux droits civils et politiques, et en particulier la protection au niveau de la chaîne pénale. Et ça veut dire surtout le suivi des droits des prisonniers, et le suivi des arrestations, et le suivi des dossiers liés à la torture, à la société civile, etc. Et il y a un deuxième axe qui est consacré au renforcement du dialogue entre les différents acteurs sur les questions liées aux droits de l'homme. Et c'est sous cet axe, par exemple, qu'on envisage de continuer les initiatives de rapprochement entre le gouvernement et la société civile, ou entre le gouvernement et les partenaires, par exemple. Et il y a un troisième axe qui est dédié aux questions des droits économiques, sociaux et culturels. Comme vous le savez, le principe de l'interdépendance est reconnu au niveau international. Et ça veut dire qu'on ne peut pas jouir de ces droits civils et politiques sans jouir de ses droits économiques et sociaux. Page économie de ce journal, plus de 600 entreprises ont été immatriculées. Les emplois projetés s'élèvent à plus de 4600 au cours des trois premiers mois de cette année. Cela a été dit ce mardi par Didas Ngendakumana, directeur de l'Agence burundaise de promotion des investissements, API en sigle, lorsque cette agence présentait ses réalisations trimestrielles du début de cette année. Didas Ngendakumana a fait également savoir que ses réalisations trimestrielles dépasse celle de l'an dernier suivi. Au cours de ce premier trimestre 2017, 616 entreprises ont été créées à travers le guichet unique de création des entreprises, contre 532 entreprises enregistrées à ce même guichet au premier trimestre 2016. Soit une hausse de 15,7%. Pour la même période, le nombre total de projections d'emplois s'est accru de 39,7%. En effet, les emplois projetés s'élèvent à 4603 contre 3295 déclarés au premier trimestre 2016. La comparaison avec le dernier trimestre de l'année 2016 montre également une hausse de 8% des sociétés créées ainsi qu'une augmentation de 26,5% des emplois projetés. Ainsi, l'on peut conclure que cette année commence avec un remarquable esprit d'initiative et que les conditions sont réunies pour permettre aux personnes de créer des projets. Et concernant la question de savoir ce que serait en train de faire l'API pour contribuer dans la résolution des problèmes liés au commerce informel, le directeur de l'API explique que cette agence ne peut pas soutenir ce commerce et lance un appel à ceux qui font le commerce ambulant d'aller se faire enregistrer au sein de cette agence pour qu'on les aide à travailler dans la légalité. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro, page politique. Cela fait 2 ans que le parti CNDD-FDD a désigné le président Pierre Nkurunziza comme son candidat à la présidentielle de 2015, une élection qu'il a d'ailleurs remportée en juillet de la même année au sein du parti Sahwanya-Afro Déboul. On indique qu'il y a eu utilisation de la force, ce qui a fait que des Burundais soient tués, d'autres contraints à l'exil, d'autres portés disparus. Ah, pour lui encore, les relations diplomatiques se sont détériorées. Le pays se trouve dans la pauvreté. Léon Sengendakouman estime que les institutions se font accepter de force. Suivez Léon Sengendakouman, vice-président du parti Sahwanya-Afro Déboul. Les institutions qui sont en place l'ont été par un coup d'état constitutionnel. La constitution n'est plus une référence dans ce pays. L'accord d'Arusha n'est plus une référence. En résumé, je dis, ça s'est accompagné de la destruction des piliers de la paix et de la réconciliation. L'accord d'Arusha de la constitution, ça s'est accompagné par des piliers, la destruction des piliers de la démocratie, les partis politiques, la société civile, les médias. Ça s'est accompagné par des problèmes de pauvreté, de chômage, de misère dans le pays. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas dire que nous avons des institutions qui sont là, qui fonctionne pour l'intérêt de tous les Burundais. Il y a des Burundais maintenant qui ne se reconnaissent pas comme citoyens burundais. Mais la démocratie est là, vous la reconnaissez quand même. Les symboles de la démocratie, les signes de la démocratie sont là, mais ce n'est pas un état de droit, un état de démocratie. Mais les symboles sont là. C'est l'accord d'Arusha, cette constitution qui consacre effectivement les fondements de la paix, de la réconciliation et de la démocratie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on l'aura, c'est écrit. Au moins, c'est écrit. Deux, les médias, la société civile ne fonctionnait pas. Mais l'idée est là. Je dois vous dire que, par exemple, au niveau de la société civile, c'est quand même encadré parce que les membres des partis politiques, les partis politiques plaident pour eux quand ils ont des problèmes. Ceux qui sont dans les institutions, les gestionnaires des institutions plaident pour eux. Alors, mais il y a une grande partie des Burundais, au-delà même de 60%, je pense, qui ne sont ni dans les partis politiques, ni dans les institutions, mais qui doivent aussi jouir des droits et libertés fondamentaux de ce pays. Mais ces gens-là, quand la société civile ne fonctionne pas, vous comprenez, ils sont laissés à eux-mêmes. Léon Sengendakouman soutient que la voie du dialogue inclusif reste la seule solution pour mettre le pays sur la bonne voie de la démocratie. Et au sein du parti CNDD-FDD, Nancy Ninette Moutoni, chargée de la communication, affirme que tout a évolué positivement, aussi bien au niveau de la sécurité, de la politique et en termes économiques, et félicite le président Pierre Nkurunziza qui a accepté d'être candidat à la présidentielle le 25 avril 2015 à la satisfaction des Bagumnyabanga. Suivez. Le pays est dans la paix et dans la sécurité et toutes les institutions de la République sont à l'œuvre. C'est une chose que nous apprécions, nous remercions le bon Dieu pour cela. En tout cas, 2 ans après, le bilan est largement positif et nous nous en félicitons. Et nous félicitons aussi toutes les institutions qui ont été élues en 2015 et qui sont à pied d'œuvre pour développer notre cher pays. Donc, comme le parti l'a bien signifié au cours de cette année, nous sommes dans un combat contre la pauvreté, car la paix et la sécurité maintenant règnent au Burundi grâce aux efforts du gouvernement, aux efforts des corps professionnels de défense et de sécurité. Vous dites que bilan est largement positif du moment qu'il y a certains Burundais ou autres politiciens qui sont à l'extérieur. Et au moment où une certaine opinion dit que le parti CNDD-FDD est presque le seul sur terrain aujourd'hui, démocratiquement, on peut dire que le bilan est positif. Le bilan est très positif car le climat entre les partis politiques et les leaders politiques est très serein et très bon. Car les partis politiques qui sont agréés au Burundi sont vraiment à l'œuvre et sont en train de préparer ensemble un environnement propice pour les élections de 2020. Quant à ceux qui sont à l'extérieur du Burundi, nous ne cessons de les appeler à rentrer, afin aussi de se préparer pour les élections de 2020. Est-ce que la même évolution, vous pouvez aussi réaffirmer que ce bilan est aussi réel du côté des droits de l'homme et... La situation des droits de l'homme au Burundi est vraiment au beau fixe. Mais nous déplorons et nous dénonçons ces rapports alarmistes qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Il y a des rapports qui sortent et qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain au Burundi. Ce sont des rapports que tout Burundais patriote doit rejeter avec sa dernière énergie. Nancy Ninette Mutoni, chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD, jointe au téléphone par Aubin Niyonkuru. La commission permanente chargée de la gouvernance au sein de l'Assemblée nationale vient de présenter le rapport de sa descente sur les questions relatives au sucre et au carburant. Le compte rendu avec Charles Makoto qui se trouve à l'hémicycle de Kigobe. La commission chargée de la bonne gouvernance aujourd'hui présente son rapport sur la pénurie du sucre et la pénurie du carburant qui s'observe ces derniers temps au Burundi. Et quelles sont les principales causes évoquées par la commission sur son manque du carburant et du sucre? Oui, les causes évoquées par la commission permanente chargée de la bonne gouvernance qui expliquerait le manque du carburant et du sucre sont pour le sucre, c'est entre autres les listes établies par les chefs de zone qui ne sont pas respectées par les gouverneurs. Ces derniers mettraient sur les listes des personnes inconnues dans différents coins, comme celle de la municipalité de Bujumbura. Selon ce rapport, cela entraîne la difficulté pour les autorités locales de bien suivre la commercialisation de ce produit. Et ceux qui sont mis sur les listes par les gouverneurs ne collaborent pas avec les autorités locales et souvent ne participent pas dans des réunions organisées par les administratifs locaux afin de débattre sur la question de pénurie du sucre. Les responsables de la société sucrière de Mosso Sesumo accusent les administratifs de ne pas suivre de près la commercialisation de ce produit. Ceux qui reçoivent le sucre après versement des pots de vin, selon toujours ce rapport, vendent ce produit à des prix exorbitants, d'où l'impossibilité à la population d'accéder facilement à ce produit. Le nombre de demandeurs a considérablement augmenté suite à la croissance de la population. Et en fait, les sociétés qui utilisent le sucre sont devenues nombreuses. Là, on parle des sociétés qui utilisent le sucre dans la transformation des boissons, dans la transformation des jus, dans la fabrication de paix, etc. Pour le carburant, le manque de devises a été évoqué dans le rapport de la commission chargée de la bonne gouvernance, ainsi que le mauvais comportement de certains importateurs qui utilisent les devises reçues pour d'autres fins. Certaines stations-service qui distribuent le carburant conservent ce carburant pour d'autres fins et pour le vendre à des... Quelles sont les solutions proposées pour mettre fin à ces pénuries répétitives? Il a été demandé au gouvernement de faire tout ce qui est possible pour mettre les devises à la disposition des importateurs. Et puis, la réhabilitation, il a été également proposé la réhabilitation du stock stratégique de carburant de Gitega et la délocalisation de celui de Bujumbura qui se trouve près de l'entreprise Barudi qui est souvent inondée. En ce qui concerne le sucre, les consommateurs demandent que la société sucrière de Mosso Sesumo puisse ouvrir des stocks dans toutes les provinces des pays afin que les demandeurs y accèdent facilement. Il a été demandé également d'informer à temps sur les listes de ceux qui reçoivent le sucre afin que les demandeurs puissent savoir où s'approvisionner. En dernier lieu, il a été demandé de traduire devant la justice ceux qui spéculent et qui vendent le sucre à des prix exorbitants. À la source, reportage. Les tambourinaires du site de Guichola en province Gitega demandent d'être soutenus dans leurs activités de développement de la culture burundaise. Les activités qui méritent le plus de soutien selon ces tambourinaires sont notamment l'entretien de l'ancien palais royal et tout ce qui est en rapport avec les compétitions. Notre reporter, c'est Pascal Nyehunze. Les travaux d'entretien réalisés à l'ancien palais royal d'Ogishora sont notamment la réhabilitation de l'enclos et des différentes cases ainsi que le balayage de la cour. Cet tambourinaire d'Ogishora demande qu'il soit appuyé. Nous demandons que ce site d'Ogishora soit soutenu comme avant. Vous voyez que nous avons besoin de branches d'arbres pour la réhabilitation de cet enclos. Nous voulons que les ministères nous viennent en aide. À propos de la culture liée au tambour, ces tambourinaires disent qu'ils se classent souvent les premiers dans différentes compétitions à Bujumbura, mais qu'ils sont surpris par le fait que ce sont les autres équipes qui représentent le pays dans les compétitions internationales. Quand nous participons dans des festivals à Bujumbura, nous sommes souvent les premiers et on nous promet de nous envoyer à l'étranger. Mais après ces compétitions, nous sommes oubliés. C'est plutôt les équipes de Buyenz ou Buterere qui représentent le pays. Cet tambourinaire demande au ministère de la Jeunesse de prévoir des mesures pour d'autres équipes qui se font passer pour des tambourinaires d'Ogishora. Nous demandons aussi que ces tambourinaires qui se disent de l'équipe de Gishora dans différentes festivités cessent cette attitude. Et d'ailleurs, le plus souvent, ils mettent en avant l'intérêt pékinier que culturel. Ces tambourinaires disent avoir un écho d'une éventuelle somme d'argent qui leur aurait destiné en guise de soutien à leurs activités. Ils demandent un peu de lumière de la part du ministère ayant la culture dans ses attributions. Nous souhaitons avoir des éclaircissements sur un fonds qui serait destiné aux tambourinaires de Gishora. Nous l'avons entendu de la part de certains visiteurs de ce site qui nous l'ont confirmé. Nous avons vraiment besoin de lumière là-dessus. Ces tambourinaires d'Ogishora demandent des appuis financiers pour que ce site puisse encore une fois attirer des touristes et différents autres visiteurs. Pascal Nyoyangounze, à ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour réaction. Point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.